tandis que, poursuivant son plan, Don Pedro s'emploie à courtiser Héro, et qu'un serviteur de celui-ci courtise Marguerite, une suivante d'Héro. Accompagné de Béatrice, Bénédicte et Boracchio, Don Juan aborde Claudio. « N'êtes-vous pas le signor Bénédicte ?»« Lui-même, vous me reconnaissez bien. »« Signor, vous êtes l'ami fort intime de mon frère. Il s'est amouraché d'Héro. Je vous en prie, tâchez de le détourner d'elle. Elle n'est pas d'une naissance égale à la sienne. Vous pouvez prendre, là, le rôle d'un honnête homme. »« Comment savez-vous qu'il l'aime ?»« Je l'ai entendu lui jurer son affection. » Borac, et moi aussi, et lui jurer de l'épouser cette nuit. Don Juan, allons, rejoignons la fête. Don Juan et Borac sortent. Claudio seul. Ainsi, je réponds sous le nom de Bénédicte, mais c'est avec l'oreille de Claudio que j'entends cette triste nouvelle. Voilà qui est certain, le prince la courtise pour son compte. L'amitié est constante en toutes choses, excepté dans les intérêts et les affaires d'amour. En amour, tout cœur doit être son propre interprète, tout regard doit parler pour lui-même et ne se fier à aucun agent. Car la beauté est une sorcière sous les charmes de laquelle la bonne foi se fond en convoitise. C'est là un accident de continuelle occurrence dont je ne me suis pas défié. Adieu donc, Héro. Bénédicte rejoint alors Claudio et lui confirme ses craintes. Le prince Don Pedro a conquis votre héros. Claudio, dépité, s'en va, laissant la place à Don Pedro auprès de Bénédicte. Dites-moi, signor, où est le comte Claudio? L'avez-vous vu? Ma foi, monseigneur, je viens de jouer pour lui le rôle de dame renommée. Je l'ai trouvé aussi mélancolique qu'une guérite dans un bois. Je lui ai dit, et je pense lui avoir dit vrai, que votre altresse avait obtenu les bonnes grâces d'Héro, et je lui ai offert de l'accompagner jusqu'à un sol, soit pour lui tresser une couronne, comme à un pauvre délaissé, soit pour lui faire une poignée de verges, comme ayant mérité le fouet. Le fouet? Quelle est sa faute? Le tort d'un écolier niais, qui dans sa joie d'avoir trouvé un nid, le montre à son camarade qui le vole. Prétends-tu faire d'un acte de confiance un tort? Tout le tort est au voleur. Pourtant, Don Pedro, il n'eût pas été mal de préparer les verges et la couronne, car la couronne, Claudio, l'aurait prise pour lui-même, et les verges, il les aurait réservées pour vous, qui, je le crois, lui avez volé son nid. Je voulus simplement apprendre à chanter à l'oiseau pour le restituer ensuite à son vrai maître. Si son chant ne dément pas votre langage, ma foi, vous avez honnêtement parlé. Madame Béatrice vous en veut. Le gentilhomme qui dansait avec elle lui a dit qu'elle était grandement desservie par vous. Oh, c'est elle qui m'a maltraité, a lassé la patience d'une bûche. Je ne voudrais pas l'épouser quand elle aurait en dot tout l'héritage d'Adam, avant la faute. Elle aurait fait tourner la broche à Hercule, oui, et elle aurait fait fendre sa massue pour allumer le feu. Allez, ne me parlez plus d'elle. Vous découvrirez que c'est l'infernale mégère en grande toilette. Plût à Dieu que quelque savant l'exorcisa, car certainement, tant qu'elle sera dans ce monde, on pourra vivre en enfer aussi tranquille que dans un lieu saint, et les gens pêcheront tout exprès pour y aller. C'est que vraiment, il n'y a pas de désordre, pas d'horreur, pas de discorde qu'elle ne traîne avec elle. »